Avertissement du lecteur. Qu'on me permette un mot avant que de commencer. On peut regarder ce texte comme une synthèse de la pensée morale, religieuse et politique du marquis. Et si je vous en soumets la lecture, c'est à ce titre. Vous y trouverez sans doute plusieurs opinions qu'on aura raison de blâmer, mais aucune qui ne mérite d'être examinée, ne serait-ce que pour en éprouver la fausseté, par un esprit mûr dont l'intelligence est sereine et épanouie. Si dans ces circonstances, je crois ce texte d'un intérêt des plus grands, il en va tout à l'inverse pour le cas où ce texte serait donné à écouter à de jeunes gens. Incapables de le comprendre dans ce qu'il a de juste, de novateur et de subtil, ils se laisseraient bien plutôt happer par ce qu'il présente de choquant et n'en retiendraient que cela, ce qui serait inutile, ou n'en tirerait qu'un modèle de cruauté, ce qui serait nuisible. Aussi, je me permets de le leur déconseiller.